L'actualité à Nancy et ailleurs. Lisa Chipot, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc pour le service communication de la Banque alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle. Et avec vous, eh bien, on va parler de la grande collecte qui va se dérouler pour Nancy et la Meurthe-et-Moselle le vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette grande collecte est importante pour la Banque alimentaire ? Elle est très importante parce que tout simplement, ça représente 10% de ce qu'on va collecter en toute l'année. Donc ça nous permet d'avoir par exemple des produits qu'on n'a pas dans nos ramasses. Donc les ramasses, c'est quand les camions dont on dispose vont dans les magasins tous les jours et ils récoltent des produits, ce qu'on appelle des produits frais. Mmh. Donc la collecte, c'est l'occasion d'avoir des produits de base. Donc des produits de base, ça va être par exemple des conserves de viande, des conserves de légumes ou par exemple des produits pour bébés. À qui va être distribué toutes ces denrées ou tous ces produits ? Toutes ces denrées vont être distribuées à nos associations partenaires. Donc, c'est eux qui sont directement en contact avec les bénéficiaires, les personnes qui sont dans le besoin. Donc, on leur redistribue ça équitablement, selon leurs besoins. De quelle manière on va pouvoir vous aider ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, dans tous les magasins participants, donc il y en a à peu près dans toute la Meurthe-et-Moselle. Ça va de Lunéville à l'Axou, jusqu'à Pont-à-Mousson parfois. C'est des magasins, vous nous verrez aux entrées, on aura nos gilets oranges avec des grandes caisses et vous pourrez déposer ce que vous voulez, ce que vous avez acheté, ce que vous avez pensé à nous pendant vos courses, des produits de base comme je le disais tout à l'heure. Les gilets oranges, donc, on retrouvera dans les grandes oranges. Surfaces, exactement, les grandes surfaces et même des plus petits magasins. Oui, ça arrive. Voilà, combien de bénévoles s'investissent ? Les magasins de proximité. Combien de bénévoles sur deux jours ? Sur deux jours, dans toute la Meurthe-et-Moselle, on a à peu près 2500. Donc, c'est des bénévoles occasionnels ou c'est des bénévoles de la Banque alimentaire ou de nos associations partenaires. Et il y a encore besoin de bénévoles pour participer à cette collecte ? Alors, on a toujours besoin de bénévoles. Oui, j'imagine. C'est vrai qu'à quelques jours, ils sont toujours les bienvenus. S'il y a des gens qui veulent encore participer, on a encore le temps pour leur attribuer un magasin selon où ils habitent. Le bénévole, il s'engage sur quelques heures ou toute la journée ? Comment ça se passe ? Selon les disponibilités de chacun, il peut très bien donner une heure, deux heures, trois heures de son temps. Tout est bienvenu. Alors, on le redit, le 30 novembre et 1er décembre pour Nancy et la Meurthe-et-Moselle. Je vous laisse redire rapidement quel type de produits vous avez besoin surtout. Alors, ce dont on a besoin, c'est des produits de base, ce qu'on appelle des conserves de légumes, des conserves de viande, des produits secs de petit déjeuner par exemple. Tout ce qui peut durer assez longtemps dans notre dépôt, qui n'est pas frais et dont on peut conserver sur une très longue durée. Je voudrais juste remercier les magasins qui nous accueillent, bien sûr, et les bénévoles aussi, et bien sûr la presse qui nous aide à relayer cet événement. C'est très important pour nous. Merci à Lisa Chipot de la Banque alimentaire de Nancy et de Meurthe-et-Moselle. Je vous rappelle les dates, le 30 novembre et le samedi 1er décembre. Deux jours pour lutter contre la précarité alimentaire. Et pour en savoir plus sur la Banque alimentaire, rendez-vous sur le site www.banquealimentaire.org. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.